Oui, alors, d'accord. Je pense qu'il y a un petit peu de jeu. Bon, ici, j'ai quelques articles, par exemple, qui vont être terminés là, pour restaurer. Alors, voilà, ça, c'est donc ce qui se fabriquait ici, à Pozevet, dans les années 20. Hein. Bon, c'était une fabrication locale. Hein. Voilà, c'est un rouet qui est en piteux état, hein, qui a perdu la moitié de... ces pièces, voilà, il y a quelques articles comme ça. Voilà, et donc ça concernait environ une quinzaine de familles d'artisans, hein, des artisans de Pozevet qui fabriquaient ce genre de choses. Et quand je dis famille, ben c'était pas simplement l'artisan lui-même qui travaillait, mais c'était également toute la famille entière. Hein. Alors comme ici chez nous, par exemple, c'était une famille de 13 enfants, et ben sur les 13, il y avait peut-être 7 ou 8 qui participaient à la fabrication de petits meubles comme ça. Et c'était également valable dans les autres familles. Donc ça faisait quand même beaucoup de monde ici à travailler dans cette commune. Hein. Voilà. Et de nos jours, bah, toute cette fabrication-là a disparu, plus ou moins. Hein, j'ai encore le musée que je pourrais vous faire voir tout à l'heure, si vous voulez, qui retrace un peu toute cette histoire. Hein. Et quand je dis que ça a disparu, bah, pas tout à fait non plus, parce que nous, on est encore en mesure, si vous voulez, d'en refaire, d'en restaurer. Hein. C'est toujours possible, quoi. Mais il n'y a plus qu'ici, quoi, franchement. Voilà. Alors si des fois vous envoyez par chez vous, bah, vous saurez que bah, ça, c'était fait ici dans le temps. Hein.